Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Info pour la semaine du 11 au 17 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Maxime Tanguay s'en vient tantôt. Salut Stéphanie. Salut Mathieu. Ça va? Oui, toi. Oui. On a une très grosse émission aujourd'hui. Elle s'est chargée. Ça va être wow. Insupportablement wow, on pourrait dire. Donc, à l'émission aujourd'hui, on va avoir la présence des Sœurs Boulay dans quelques minutes. Elles vont être avec nous pour parler de leur nouvel album. Et j'ai bien hâte de les rencontrer, ces deux sœurs-là gaspésiennes. Mm-hmm. Mm-hmm. On va aussi avoir We Are Wolves dans le milieu de l'émission, avec eux aussi un nouvel album. Et évidemment, les deux vont nous parler de leur spectacle, de toutes plein de choses comme ça. On va avoir Simon Fitzbay qui va être parmi nous pour parler de South by Southwest, le gros événement de musique et de plein d'autres choses qu'il y a eu en ce moment aux États-Unis. Oui. Oui. Et les instants classiques de Sandlage Rocky. Oui. Et où? Tabarouette. Hein? Ça en fait des choses dans une émission de 3 heures, ça. Oh oui, on va courir. On va être obligé d'écouter le palmarès sur Fast Forward. On n'écoutera pas grand-chose de palmarès, mais non, quand même, on a de la place pour pas mal de trucs. Étant donné qu'il y a seulement deux nouvelles entrées cette semaine, on va entendre les Sœurs Boulay d'ailleurs et The Vaccines tout à l'heure. Le temps de vous dire, par contre, que les numéros 1 de la semaine passée étaient du côté anglophone, Canada Awkward de The Damn Truth. Et du côté francophone, c'était des histoires de fantômes d'Hôtel Morphée. Et voilà, est-ce que c'est encore ça? Ben ça, c'est ce que vous saurez dans 3 heures environ. Donc, restez des nôtres. Et voilà. On commence, comme on disait, avec les seules nouvelles entrées cette semaine. Tout à l'heure, The Vaccines avec Teenage Icon. C'est un autre extrait de leur album Come of Age. En fait, je crois que c'est le troisième extrait. Et du côté francophone, on va débuter avec Par le chignon du cou des Sœurs Boulay. Ça tombe-tu bien pareil, hein? Ils sont en studio dans genre quelques minutes à peine et puis ils sont là comme nouvelle entrée. Et, ah! Ça fait bien les choses, hein? La vie est bien faite. Je pars au vent et son souffle me libère. Je me fous de la poussière. Le beat en dedans et la tête dans les airs. Le cœur par le chignon du cou. Marcher sans savoir où aller en suivant les feux verts. Poche toute pleine de trous, aller prendre un verre et l'échapper, en profiter, comme tu me l'as montré, ouvrir la fenêtre juste un peu. Numéro 20. Nouvelle entrée. guy, your average guy. No piercing stare, just out of shape with messy hair. But I always figured I was somebody anyway. And now I'm guessing that my moment must be late, 'cause I'm here. C'était nos nouvelles entrées de cette semaine. On vient d'entendre du côté anglophone de Vaccines et Teenage Icon. Excuse-moi, j'ai ouvert tout le monde sauf toi. Excuse-moi, ça arrive. Je peux le faire en criant, en refaire le micro. OK, vas-y, essaie-toi. Du côté francophone. Tu vois, je l'ai pas fait. C'était une blague. C'était une blague. OK, malaise, malaise. OK. Donc, du côté francophone, c'était par le chignon du cou des sœurs Boulay. Quel hasard incroyable qu'elles sont justement en direct en studio. En fait, la chanson qu'on a entendue tantôt, c'était live, cela. Là, ouais, ça, oui. Ça avait l'air vraiment vrai. Et donc, avant de leur parler, on va leur laisser la chance de chanter. Est-ce qu'on veut présenter un peu la pièce avant, juste pour mettre les gens en contexte? Oui, c'est une chanson que Stéphane Laflamme nous a écrite. Ça s'appelle « Ton amour est passé de mode ». On écoute ça à l'instant. Ton amour est passé de mode. T'es en retard d'au moins 10 ans. Ma tête est ailleurs maintenant. Tes beaux mots, tes grands barrages, des au revoir sur le coin de la bouche, mais me vaut tant qu'il ne me touche. Tu peux sabler tes yeux tendres, ramper la queue entre les genoux, te faire passer pour une chance impossible. Ton amour est passé de mode, pas la peine d'enlever ton coat. Mon corps est dans les bras. Tu peux revenir à la charge. paisible. Ton amour est passé de mode. T'étais où quand c'était le temps? Mon cœur t'en veut encore autant. Wow, tout est dans le regard et dans... C'est beau, c'est beau, c'est beau de vous voir. C'est cute, hein? Donc, les sœurs Boulay, évidemment, bon, le conclave est terminé. Là. Vous le savez, oui. On a un nouveau pape, oui. Hein, et pourra parler les sœurs Boulay. Donc, Marie, Stéphanie et Marie-Mélanie, c'est ça? Tout à fait. Je comprends bien, c'est ça? Non? Ah, ben, on est pas très pratiquantes dans la religion. Non, ben, c'est ça. Est-ce que je suis le premier à la faire? Je pourrais dire. Oui, oui. Oui, OK. Good, oui. Good job. Oui, c'est le fun, t'es original. Merci. Ça part bien. Donc, les sœurs Boulay, vous avez commencé à chanter, j'entends dire, à l'âge de 6 ans. Est-ce que vous pouvez me raconter vos débuts de la chanson, là, dans l'histoire? En fait, Mélanie a commencé à chanter à 6 ans. C'est vraiment une drôle d'histoire. Elle chantait dans la chorale de l'école primaire à notre école Le Bois Vivant, en Gaspésie. Puis, okay. C'est la professeure de musique qui s'appelait Michèle Lérichard qui a entendu la voix de ma sœur percer à travers la foule de jeunes. Puis elle a débarqué chez nous une soirée, elle a cogné à notre porte, puis elle a dit à nos parents, « Votre fille, elle a un talent, il faut vraiment que je lui enseigne la musique. » Donc, elle a convaincu nos parents de prendre Mélanie sous son aile, puis Mélanie a commencé à faire des spectacles à 7 ans devant des foules de 600 personnes avec la chorale du village. Avec les souliers trop grands de ma mère. Elle était vraiment tête de cochon. Puis... moi, j'ai suivi, en fait, je pratiquais les exercices vocaux de Mélanie en cachette, puis à un moment donné, j'ai fait « bon, mais je vais sortir du garde-robe », puis on a commencé à faire des duos ensemble. On s'est séparés, on a recommencé, mais on a toujours fait de la musique, là, c'est vraiment depuis longtemps. Ouais, c'est ça, vous chantez tellement tout le temps ensemble, maintenant, que sûrement que certains doivent se confondre entre les Denis Drolet et vous. Hein? on leur ressemble en plus, non? Physiquement, c'est des sosies, là, ouais. On s'entend. Bon, donc, vous parliez de... J'essaye de mettre des affaires drôles, ça marche pas. Mais bon. Non, ça va bien, continue. Ah, good. OK, c'est bon, de l'encouragement, hein, à l'animateur, c'est le fun. Donc, vous chantez tout le temps ensemble et vous souhaitez continuer à chanter ensemble longtemps, c'est ce que j'ai lu. Est-ce qu'être un duo, selon vous, c'est un avantage? Est-ce que ça fait que vous vous démarquez plus qu'un artiste qui est tout seul, mettons? Je sais pas si on se démarque plus, mais en tout cas, c'est sûr qu'on met nos forces à profit. On est très très complémentaires l'une et l'autre. Steph est vraiment, elle a vraiment un côté organisation qui est vraiment plus développé que moi, okay. Mettons. Puis même au niveau des talents, Steph est très très littéraire, moi je suis plus musicale. Okay. Je pense que dans notre cas, en tout cas, c'est vraiment un avantage pour nous, ouais, d'être un duo. Mais j'imagine qu'il y a des petites chicanes. Ben oui. Oui. Évidemment. Là, je sais pas si t'as des frères ou des sœurs, mais tu sais, c'est quoi probablement les relations de frères-sœurs. On se connaît tellement. Ouais. Tu sais, on met pas de gants blancs pour se parler. Ça fait que c'est un avantage parce que on travaille vraiment très efficacement et rapidement de cette manière-là, mais en même temps, c'est sûr que oui, il y a des conflits. Comme dans toutes les familles. Mais c'est un amour inconditionnel. C'est dur de briser ça. Puis on s'aime tellement, dans le fond. C'est pour ça qu'on chicane autant. C'est parce qu'on s'aime puis on est l'extension l'une de l'autre. Fait que on parle à l'autre comme on se parle à nous dans notre tête. Puis on est très exigeante envers nous-mêmes, donc avec l'autre. C'est bon, c'est bon. Vous avez dit tantôt que vous venez de la Gaspésie. Là. Oui. Est-ce que ça vous manque? Est-ce que vous avez apprivoisé la grande ville? Est-ce que Trois-Rivières, pour vous, c'est comme un genre de quasiment retour en campagne par comparaison? Oui, un peu. C'est un entre-deux. Mais oui, on s'ennuie de la Gaspésie, mais en même temps, on s'est beaucoup accoutumé à Montréal. On aime Montréal maintenant. On est des éternels nostalgiques, ce qui fait qu'à Montréal, on s'ennuie de la Gaspésie, qu'en Gaspésie, on s'ennuie de Montréal. Le gazon est toujours plus vert à l'autre bord. Ouais. Mm-hmm. Mais ça fait du bien d'avoir les deux. On garde les deux dans nos vies. On essaie le plus possible de retourner quand on a un petit peu de temps dans notre horaire. Puis sinon, ben, on aime bien ça, Montréal. Ce qui s'est tenté de ne pas être super fréquent, le temps dans votre horaire, non? On est très occupés, ouais. Mais on n'est jamais à Montréal. On est toujours sur la route. On fait des spectacles. On vient à Trois-Rivières faire des entrevues. Fait qu'on n'est jamais tanné d'un endroit, tu sais. C'est bon, la variété. Ouais. Oui. Donc, on vous a entendu tantôt jouer. Ça sonne pas mal comme ça. C'est votre formule, c'est épuré. Là. C'était pas une version épurée de ce que vous faites d'habitude. C'est pas mal ce que vous faites. C'était une version un peu épurée parce que sur l'album, on a quand même rajouté une couple de couleurs. Tu sais, il y a certaines chansons qui restent ukulélé, guitare, mmh, de ouais. voix, sauf qu'on s'est quand même permis d'en rajouter un petit peu. Dans ce cas-ci, sur cette chanson-là, il y a de la mandoline, il y a de l'accordéon sur la version originale de l'album. C'est difficile à faire dans un petit studio de 3 mètres cubes. Oui, mais on aime ça quand même. Là, le ukulélé, guitare, c'était la version originale quand même. Puis la plupart de nos concerts, on les fait en duo encore. Ouais. C'est sûr qu'on a une version plus avec un band pour les plus grosses salles puis les festivals, surtout à l'extérieur, mais... la plupart du temps, on part sur la route à deux, puis on se débrouille avec des petits cossins de percussion, puis des petits instruments. Des cossins. Des cossins. C'est cute. On gosse des cossins. Ouais. Donc, Le Poids des Confettis, c'est votre premier album complet. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi les grandes histoires qu'il y a dans votre album, votre premier? Mais ça parle beaucoup de nostalgie, parce que, comme Mélanie a dit, on est des éternels nostalgiques, on s'ennuie toujours d'un endroit ou de l'autre dans la vie, puis ça parle beaucoup aussi d'amour, ça parle d'affirmation de soi, on a appris à devenir des femmes, des jeunes femmes avec le temps, à s'affirmer, ça parle beaucoup de liberté, d'errance, de route, de voyage, d'amitié aussi, ouais. Ouais. Le Dodge Blue, votre père, apparemment. Oui, le pick-up. Le pick-up. Le fameux pick-up. Votre EP avancé était sorti au début de 2012. Oui. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme progression entre le maxi et le CD? Est-ce qu'il y a des chansons qui sont sur les deux, tu sais, mettons, pour quelqu'un ouais. qui ne sert absolument rien et qui part de zéro avec vous autres, là, tu sais, mettons? Oui, il y a une évolution. Il y a quatre titres qu'on a repris sur l'album, mais qu'on a des versions différentes. Donc, souvent plus enrobées, je dirais, les versions. Mais en fait, le EP qu'on a fait, on l'a vraiment fait live, 100% live, aucun ajout de quoi que ce soit. Et c'était vraiment que guitare, ukulélé, deux voix. Donc, comme je disais tantôt, on s'est permis là, d'en beurrer un peu plus épais, mais tout en gardant vraiment le côté très dépouillé, très fragile, très, très real là, de notre musique. Mm-hmm. Et donc, beurrer plus épais. Et le couteau de votre beurre est Philippe B. Oui. Ouais. Mettons. C'est une belle image. Ouais, ouais, hein? Oui. C'est ça. J'aurais pu dire le pot, mais je trouve ouais. que c'est approprié. Ah, le couteau. Ça me parle. Ben oui, ça te parle. Tu vas écrire une chanson là-dessus. Ah, c'est ça. Copyright Mathieu Blanc. Oui, ouais. J'oublierai. Mais oui, Philippe B, pour vrai, c'est un artiste qu'on a admiré. L'album Variation Fantôme, ça a joué énormément dans notre ouais. voiture puis chez nous. Puis quand est venu le temps de choisir un réalisateur, nous, on n'aurait pas vraiment osé penser à lui. Et c'est notre gérant qui a osé pour nous. OK. Puis on s'est rencontrés pour la première fois, puis ça a vraiment cliqué. Tu sais, quand tu le sens que la personne a comprend ton univers, les mots qu'elle dit, c'est les bons, puis... Puis on lui faisait vraiment 100% confiance et on est très contents du résultat. Oui, c'est super, ouais. On peut acheter votre CD en version CD, évidemment, en MP3, en vinyle. Je sais que vous tripez vinyle, en tout cas, je sais pas ouais. si c'est les deux, mais depuis la jeunesse, là, j'entendais dire que vous aimez ouais. bien ouais. ça. Mais chez nous, il y avait pas. On vient de New Richmond en Gaspésie, il y avait pas vraiment de magasin de disques. Ok, je pensais que le disque avait pas encore été inventé. Mais oui, ben il y avait même des cassettes dans ce temps-là. Mais même à ça, les cassettes, ça se vendait dans les dépanneurs, mais il y avait pas vraiment de magasin. Donc c'est ça qui a fait qu'on a fouillé très jeune dans les vieux vinyles de notre père. Puis c'est ça qui nous réveillait le matin, les Beatles. Moi, c'est ça, j'ai demandé. Puis notre père était vraiment très mélomane aussi. Donc, c'est les vinyles. On a découvert la musique par les vinyles. Mmh. Puis là, on va avoir notre album en vinyle. C'est quand même le fou, rêve. Ouais. Vraiment. Puis ça sonne pas pareil. Ça a tellement une texture sonore. C'est comme si ça avait été enregistré en 1975. Quand t'écoutes ça, c'est comme... Ouais, c'est ouais. vraiment. Mais est-ce que vous écoutez encore surtout de la musique que vous écoutiez sur vinyle dans le temps? Ou est-ce que... Quels sont vos goûts musicaux en ce moment, mettons? Mon Dieu, c'est ça, tellement... oui, tu sais, les Beatles, ça demeure un incontournable pour nous. Simon & Garfunkel, ça, c'est vraiment des influences. Sinon, maintenant, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Richard Desjardins. C'est un wow, là. Il est pas mal au sommet de la montagne. Gillian Welch et David Rawlings, qui sont des influences aussi, qui se présentent sur la scène les deux tout seuls avec des harmonies de voix. David Rawlings à la guitare, qui est un vraiment sapristi bon guitariste. Ouais. Joni Mitchell. Puis on a écouté beaucoup de chansons françaises aussi pour le côté un peu plus littéraire. Là, on a écouté beaucoup de Brel, Aznavour, Piaf. récemment avec podcast qu'on est fan. Ouais, OK. Ouais, on a eu la chance en plus de faire quelques premières parties de leur spectacle, puis c'était vraiment cool. Ouais, ça, vous devriez quand même pas mal d'artistes qu'on connaît, qu'on joue ici, comme Chantal Archambault qu'on a eu en entrevue récemment. Ouais. C'est quel genre de collaboration? Je sais que vous faites, si je me rappelle bien, 5 chansons sur son album, Les Élans. Oui, on l'accompagne, mais ça, c'est quelque chose de notre passé proche, je dirais. On a fait beaucoup de tournées avec des artistes un peu plus établis en tant que choristes. Puis c'est quelque chose qu'on aime vraiment, les harmonies vocales, autant ça fait partie de notre duo, autant on aime chanter avec d'autres personnes. Mmh. Les harmonies à trois voix, c'est tellement puissant. Ouais. Puis Chantal, c'est une fille qui nous ressemble, côté personnalité, avec qui on a beaucoup de fun. Puis quand on nous a appelé pour son album, on était super contentes. On a fait Dani Placard aussi, ouais. Alex Nevsky qui va sortir un peu plus tard cette année. On essaie de ne pas perdre ça, le côté partage avec les autres artistes, puis collaboration, ça nous branche bien gros. Là. Ouais. Donc, le est-ce qu'on dit chorisme, mettons? Choristerie, c'est vrai. Choristation. Le chorissage, si on veut. Donc, ça continue toujours, ou est-ce que c'est... je sais que vous êtes avec Michel Rivard et Kevin Parra. Est-ce que ça continue encore? Est-ce que vous en faites encore pas mal? Non, on n'a plus le temps. La carrière a tellement décollé qu'à un moment donné... Ouais, mais c'est... En même temps, c'est pas fini pour la vie. Là. Je pense que c'est juste que là, il y a vraiment un coup à donner sur nos trucs à nous, mais on aime toujours ça, chanter avec les autres. Ouais. Alors, on a parlé de plusieurs artistes tout à l'heure, et là, j'ai vu que vous étiez récemment numéro 1 sur espace.mi dans la section Country Folk, avec, entre autres, il y a Chantal Archambault, Michello, avec podcast. Exactement. Ouais. Est-ce que vous aimez ça qu'on applique l'étiquette Country Folk, ou est-ce que c'est pas vraiment, ça vous représente pas? Est-ce que c'est une trop grosse boîte pour vous, ou est-ce que c'est trop spécifique? Country, moi, je suis un peu moins d'accord avec ça. Je pense que ce qu'on fait, c'est plus pop que country. Moi, ouais, pop folk. Plus folk pop. Mais il y a certaines chansons qui s'enlignent un peu vers le country, mais je pense qu'on est vraiment plus loin du country que de la chanson ou de la musique pop. Ouais. On n'ira pas se mettre un chapeau de cowboy, des bottes, puis poser avec des chevaux, mettons. Le cliché, mettons. On essaie de pas aller là, mais c'est sûr que ça fait partie de nos influences depuis longtemps, donc c'est sûr que ça s'entend dans notre musique. Puis on reniera pas ça non plus, mais c'est sûr que folk, ça, c'est plus quelque chose qui nous ressemble. Puis ça reste la chanson pop. Oui. C'est une formule pop, il y a des refrains, des couplets, puis... Ouais. La façon de monter la pièce. Vous avez gagné les Francouverts 2012. Bon, ça, je pense que c'est quand même quelque chose de gros. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière jusqu'à maintenant? Mettons, là, tout. Ça a vraiment été le point tournant. Pour vrai, t'sais, on est passé de deux filles qui font de la musique pour le plaisir, qui font des petits spectacles ici et là, puis qui ont des job-in en même temps, puis qui essaient de faire en sorte que leur musique fonctionne, on est exposés si on veut, ouais. À un plus grand public. Les médias, tout d'un coup, s'intéressent à nous. Les maisons de disques s'intéressent à nous. C'est vraiment le point tournant, pour vrai, de l'existence de notre projet. Ouais. Et là, est-ce que je me trompe, vous en allez en France bientôt? Oui, Printemps de Bourges. C'est gros, ça? Ouais, c'est cool. C'est notre première apparition en France. OK. Je pense que c'est le 25 avril. 25 avril. Puis on y retourne aussi au mois de juillet. On va passer 3 semaines là-bas. On fait une couple de festivals quand même. Dont Spa en Belgique. Hein, c'est pas rien. C'est pas rien. Tu n'es pas obligé de toutes les rires. Vous avez tourné votre premier clip récemment. Comment ça s'est passé? C'est quoi le concept? C'est quoi la chanson? Je veux tout savoir, madame. Vas-y, Steph. La chanson, c'est Par le chignon du cou, qui est le premier extrait qu'on radio. Qu'on a entendu tantôt, oui. C'est l'histoire... je ne veux pas trop en dire, mais c'est l'histoire d'une fille en panne d'inspiration qui prend l'air, puis elle voit des paysages, puis... puis ça lui permet de libérer sa créativité. Mais en fait, elle se promène pas, c'est dans sa tête, elle s'imagine des choses, c'est par le biais de son imagination qu'elle voyage. OK. Ouais. Ça va commencer à être diffusé bientôt? Je pense que ça sort la semaine prochaine, le 19. Parce que l'album sort... Le 26. Le 26. Oui, une semaine avant l'album, on va le lancer fort probablement. Parfait. Et parlant de lancement, le lancement pour commencer, ça va être au Cabaret La Tulipe de Montréal le 26 mars. Oui. C'est bien ça? Oui, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler à quelque chose de vraiment sobre. On est les deux toutes seules en face d'un micro et... Avec une foule devant. Comment? Avec une foule devant. Tout autour. On va être en plein milieu si tout va bien. Je sais pas, je trouvais ça comme spécial comme lancement. Mais bon. On va être tout seul. On va retransmettre en streaming sur... Cool. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, ça va être on voulait faire ça sans prétention pour les gens qui nous accompagnent depuis longtemps, pour notre famille, nos amis, les médias aussi qui nous encouragent depuis le début. Ça va être vraiment à la bonne franquette, un party de merci et de enfin ça y est, on y va, on boit quelques shooters et sûrement quelques larmes aussi. Ouais. Oh. Comme connaissant ma sœur, non, moi je suis moins pire. Okay. Elle a la braillette facile. C'est toi qui as fait brailler, hein? Non, mais tout me fait pleurer. Des bines, des la fois, beauté de la vie me fait pleurer tout le temps, chaque jour. Et après le lancement, il va y avoir un passage à Trois-Rivières le 28 mars. Ouais. C'est à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Est-ce que la formule va être similaire? Est-ce qu'il va y avoir. Oui, on vient en duo à Trois-Rivières ici. Ouais. Donc, guitare, ukulélé, avec des petits instruments de cossin qui sont ajoutés par-dessus ça. Puis je pense qu'il ne reste plus beaucoup de billets. Donc, c'est s'il y en a qui veulent venir, ça serait pas mal le temps là de réserver. Mais sinon, on revient, je crois, le 12 avril à Shawinigan, à Francis Brisson. Puis on revient aussi à Moulin Michel Gentilly au mois de mai. Ça fait quand même 3 spectacles dans la région s'il y en a qui manquent le bateau. C'est cool, plusieurs chances. Ouais. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Hein, non, yes. Et si les gens veulent se procurer donc CD, MP3, vinyle, je sais que si on précommande en ce moment, on a le droit de télécharger la pièce qu'on a entendue plus tôt par le chignon du cou. Donc, c'est un petit avantage pour les gens qui sont pressés d'entendre ça tout de suite. Pressés, une blague de vinyle. Alors, c'est sur le Bandcamp. lessorboulet.bandcamp.com. Sinon, lessorboulet.com. Et merci beaucoup à vous deux, Marie-Stéphanie et Marie-Mélanie. Merci. Grand conclave. Alléluia. Alléluia. Bonne journée à vous, merci. À la prochaine. On retourne au palmarès et on réaccueille Stéphanie Paradis. Oui, rebonjour. Rebonjour. On est rendu numéro 10. On va tout de suite y aller avec les positions donc, du côté anglophone des CC's avec Blacksmith qui est stable. Et tout juste avant, en francophone, on va entendre la ride du dimanche d'Atomic Baobab. C'est les palmarès, c'est fou. Yeah. Kisses et la pièce Blacksmith Stable en 10e place anglophone. Et de côté francophone, c'était la Ride du dimanche d'Atomic Baobab. Mm-hmm. Et juste avant ça, on a parlé aux sœurs Boulay qui sont dans le film. Thank you. Oh, hein, Colin. Ben, c'est pratique, ben mal fun de les avoir. Et on rappelle que leur spectacle est le 28 mars, en tout cas pour ce qui a trait à Trois-Rivières, le 28 mars à la salle Louis-Philippe Poisson de Trois-Rivières. Et leur album Le Poids des Confettis est disponible maintenant. C'est les sœurs Boulay. On les remercie encore une fois. Et croyez-moi, je ne manquerai pas ce spectacle. Who knew pour tout l'art du monde. Who knew? Donc voilà pour ça. Plus tard dans l'émission, on aura We Are Wolves en entrevue. Oui. Avec Maxime Tanguay qui va être avec nous tantôt pour ça. Donc, on a hâte. Sinon, c'est mon Fitzbay qui va être là aussi pour parler de South by Southwest. On a fait le plan au début de l'émission, mais ça vaut la peine de le rappeler. Avant qu'on passe à nos 9e places du côté anglophone, c'est justement We Are Wolves avec As the Moon Sets qui monte de 4 places. Et du côté francophone, And Friends de Bio Bazar. Mm-hmm. Et avant ça, encore plus, question de vous de faire un petit lien avec ce qui vient de jouer. DC6, on a des albums à vous donner. Oh! Un paquet d'albums de DC6 juste pour vous si vous téléphonez au 819-376-5183. Le 819-376-5183. Pendant qu'on écoute ce bloc de 9e place, on attend vos appels. On dit ça. Comme un animateur de radio qui ferait comme... Ben oui, qui fait ça? Personne de nos jours. Dans le temps, ça de même. Voilà les filets de morue. Hey, Marcello. We'll be right back. ça nous anime. C-F-O-U 89-1 Numéro 9. C'était We Are Wolves et une pièce de leur album La Mort Pop Club. On vient d'entendre la pièce As the Moon Sets qui monte de 4 places. Et du côté francophone, c'était And Friends de Bio Bazaar. Et c'est maintenant qu'on accueille Maxime Tanguay, co-animateur de l'émission. Hello. Bonjour, ça va? Hello, ça va bien vous autres? Très bien. Sais-tu quoi? T'arrives juste à temps. Comment ça? Parce que dans genre 15 minutes, on parle avec We Are Wolves. Hein? C'est pas débile ça? Mais c'est vraiment cool. Mais moi, je me demande encore s'il va parler ou hurler. Oh, oh non, c'est une mauvaise blague. Se licher à d'autres endroits. Non. Pas de blague de même? Ben, je sais pas. Je sais pas. Moi, en plus, on m'a dit qu'il était super gentil. Ben, j'espère bien. Mais on va voir. Est-ce qu'ils sont. Tu sais, c'est dur à battre aujourd'hui parce qu'on a eu les sœurs Boulay tantôt. Sont-ils? Oui. Et hein? Puis, belle performance. Ben, oui, pour c'était, vrai. C'était magnifique, du vraiment. Du coup, les guitares double voix, double voices. Puis, il y avait du sifflement. Oui, en plus, ce que j'aurais jamais pu faire. C'est exactement ce que je me disais. Je le regardais faire. Je suis comme, wow, elle siffle donc ben bien. Le souffle, Mathieu, aussi. Remplace le OU par un I. Ah, OK. Ça, on... Je peux imiter une bouilloire, je pense. Non, même pas. La bouilloire. Bouilloire. La bouilloire, ta glange. Hey, tu parles bien. Merci. Amenez-moi les biscuits soda. On va vous mettre ça partout dans le studio. Oh là. Je sais pas si dans la console, si ça va... Je suis pas sûr. On peut essayer. On peut essayer. On signe une décharge, puis on essaye. Donc, ce sera plus tard. We Are Wolves, dans 15 minutes. Vers les dans 15 minutes, ça veut dire de pas dire d'heure parce qu'on est rediffusé. Donc, Stéphanie, tantôt, on a eu un concours avec This Is Is. Oui. Ben, ça se passe encore, ça se passe encore. Donc, vous pouvez toujours nous téléphoner au 819-376-5183 pour gagner un album de This Is Is. Pendant qu'on écoute les positions numéro 8 du côté anglophone, Young Rival et Two Reasons qui descendent de 4. Et du côté francophone, on va entendre Des histoires de fantômes d'Hôtel Morphée qui était le numéro 1 de la semaine dernière. On écoute ça et encore une fois, on attend vos appels pour les albums de This Is Is. C'est le 819-376-5183. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, au 89.1. C'est un fantôme. Encore. Encore. Numéro 8. Et la pièce, c'est Young Rival en fait au singulier, hein, si je me trompe pas, c'est ça. Fait que je vais arrêter de faire des zézés à la fin. C'est parce un seul rival. Un seul, je me trouve bien drôle en faisant des zézés, mais ça n'a rien à voir. Donc Young Rival et Two Reasons qui descendent de 4 places en 8e anglophone. Et c'était en première place, c'est maintenant 8e place des histoires de fantômes. Hôtel Morphée. Ben non, mais là, tu descends pas de même d'un coup sec, là. Paf! Paf! Paf! Comme ouais. un fantôme qui s'enfargerait dans quelque chose, je sais pas. De fantomatique. De fantomatique, parce un que peu comme. Il faudrait qu'il se saute quoi de fantôme? Deux fantômes, là. Parce que là, on s'entend, un fantôme va passer au travers une personne. Mm-hmm. Mais est-ce que deux fantômes peuvent se rentrer dedans? Probablement, parce qu'ils sont dans la même dimension. Oh! C'est ma théorie. Intéressant. Ben, j'imagine, effectivement. Cela dit. Donc, album Hôtel Morphée que j'aime beaucoup quand même. Ça sort un peu de nulle part. Moi, je ne les connaissais pas. J'ai écouté ça un peu, puis j'ai vraiment apprécié le travail d'Hôtel Morphée. Est-ce que vous savez, ils viennent d'où, eux autres? Non, pas en tout. Moi, j'imaginais... d'un hôtel. Une chambre d'hôtel, leurs parents ont fait des choses pas très catholiques, comme dirait le pape. Oh là là là. Ils n'ont pas fait grand-chose, hein, parce que... Mais en fait, ils le diraient soit en latin ou soit en... C'est quoi, c'est en espagnol qu'ils parlent en argentin? Le papus abiscum... Le papus abiscum... je sais pas. Hey, quand dites-vous, on retourne en musique, on doit avancer les choses, oui. Tranquillement, pas vite. Donc, on va entendre du côté anglophone la position numéro 7, Tao and the Get Down, Stay Down, avec City, qui monte de la 18e place. Et du côté francophone, on va entendre Rouge Pompier avec Anne Dorval, qui a remonté d'une place. Et juste après, c'est l'entrevue avec We Are Wolves au palmarès, c'est fou, restez là. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai la télé achetée dans mon salon. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le goût de devenir un rebelle. C'est à cause d'Anne Dorval que pile de chambre en ville, c'est une nouvelle. Le soleil crée, présente la canne, qui peut te faire applaudir, ça vient de là. Comme un étion, dans une mission, ta mère tu sais pas, mais c'est Anne Dorval. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai pu penser 7. La pièce City de Thou and the Get Down, Stay Down. Position numéro 7, ça monte de la 18e place. Et ça monte d'une place après avoir descendu Andorval de Rouge Pompier. Wouhouhou! Partez les sirènes! Mazin. Ça, c'est un gazou, je pense. Non, ça, c'était juste une humiliation. Ouais, genre, Steph, sirène? Gazou. OK, je pensais à une paille de queue. Sirène, queue. Sirène, poisson. Poisson de la La petite. Truiteur. Hey, commence à utiliser ça, Truiteur, Maxime. Ça va devenir big, big, big, big. Truiteur. C'est le nouveau Twitter. Nouveau. Ouais. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U. 89-1. C'est la deuxième heure des palmarès fous pour la semaine du 11 au 17 mars 2013. Mathieu Plante est mon nom à moi. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et moi, c'est Maxime Tanguay. Oh! Ça fait une belle variété de noms et de prénoms, tout ça. N'est-ce pas? Il n'y a pas de François Premier là-dedans? Non. Il n'y a pas de José non plus. Non, José. Jorge. Ou Franco Nuovo? Franco Nuovo. C'est pas ça? C'est un journaliste, hein? Oui, je pense que c'est le journaliste Franco Nuovo. Bref, dans quelques minutes, on parle avec We Are Wolves. En fait, j'imagine qu'on va parler avec un des membres. Je ne sais pas à qui on va parler. Alexander Ortiz. Alexandro. Alejandro. Je sais pas pourquoi tout devient espagnol tout d'un coup. C'est une tendance qui m'entoure souvent. Je vois que j'ai réussi à contaminer Mathieu, fait que tant mieux. Pour l'instant, on va entendre la position numéro 6 du côté francophone. Qui est la sexualité de Pierre Lapointe. Ouh! Sexualité! Sexualité! C'est la femme à la Ça fait ça de gros minet. Oui! Pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui, le jour, la nuit, sans cesse et sans répit, en faisant l'amour. c'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. Faire l'amour à trois, mais je préfère de loin le faire à deux avec toi. Te faire crier comme les stars du X au cinéma. Recommencer une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept fois. La vie est morte, la vie est sale. On joue les méduses glaciales. Quand on est deux yeux dans les yeux, à lécher des jours malheureux. Les soirs de pluie, les matins grimains, sous le soleil de midi. Jamais les bombes, les grenades, ni la suie me feront sortir du lit. No, I say, no, I do. I got the fire, so I'm making my dreams come true. No, I'm just a powerless fool. But I like you open so I can see the view. Cool, how did they live, how did they breathe? The gift of penetrating means nothing but the plan to see in me. Just feels good in your body too. What if a quest walking out here like to be talked to? Look into my eyes as I look into you. Screams and whispers just wander. Sway onto me and make me be your fool. And smile at me until my thighs, they choose to be with you. Moi je dis à ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesser, sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. Pierre Lapointe et la pièce La sexualité stable en sixième francophone. Tout à l'heure, on entendra la sixième anglophone qui se donne à être par Boy et la pièce Little Numbers. Mais pour l'instant, si tout fonctionne à merveille, comme tous les. Dans le fond, tout fonctionne très bien ici. Il y a rarement de cafouillage ici, de gaffe technique là. on reçoit Alexander du groupe We Are Wolves. Oui, Alexander, salut. Tu es bien là? Oui, allô, allô? Oui. Salut, je suis là. Tout le monde s'entend bien? Tout le monde s'entend. Maxime, t'entends bien? Moi, j'entends bien. Moi, je t'entends pas super bien, par exemple. Ah, ben ça, c'est dommage, par contre. En tout cas, on va espérer que tout se rende. On va parler plus fort, au pire. OK, OK. C'est bon. Parfait. Parfait, parce que Alexander, je crois, il m'expliquait qu'il est présentement à l'extérieur. C'est bien ça, je pense. Ouais, je me suis comme ça coincé. Je pensais faire des courses, puis j'étais à la bibliothèque, finalement. Je pensais pas que c'était en direct, en fait, c'est ça. Ah, oups. Je suis en face de la bibliothèque en train de parler vraiment fort. OK, fais-nous un bulletin météo. Sur le terrain. Oui. Combien fait-il? Le soleil, il commence à neiger, tranquillement. Et le trafic maintenant? Oui, le trafic, ça commence. Là, ça va être le bordel dans à peu près 15 minutes, je te dirais. Bon. Donc, oui, tout d'abord, j'aimerais ça commencer. Vous avez un nom de groupe intéressant, We Are Wolves, mais moi, je suis curieux de d'où ça vient, ça, ce nom-là. D'où ça vient? C'est, je t'avoue, là, ça fait tellement longtemps, puis on a tellement raconté différentes histoires par rapport à ça que je ne sais même pas c'est quelle est la vraie finalement. Là. Est-ce que vous utilisez encore le nom Nous sommes loups? Je sais que dans les premiers albums, il y avait souvent la mention Nous sommes loups dessus, ouais. Oui, absolument, même plus souvent qu'autrement. C'est juste que c'est pour ici, au Québec, ça passe, mais des fois, tu le dis. Attaqué par un loup, sûrement, ici. Ouais, c'est ça. Il y a comme un loup qui est passé rapidement, là, vu que la neige commence à vraiment tomber. Là. Okay. Mais ouais, on dit tout le temps, nous sommes loups partout, puis des fois, ça passe un peu bizarre, disons, quand on est aux États-Unis ou en Europe, là, où ils trouvent ça bien bien romantique sans trop savoir ce que ça veut dire. Ouais, puis il prononce sûrement News Sam's Loops. Ouais, c'est ça, mais tu vois, ça sonne bien quand même, ça. Quand même. Si on reste dans le domaine de pourquoi est-ce que les choses s'appellent d'une façon ou d'une autre, là, votre plus récent album s'appelle La Mort Pop Club. Pourquoi? Oui. Pourquoi? C'est ça ta question, c'est pourquoi ça s'appelle comme ça? Oui, ben, sauf que je l'ai demandé en espagnol, pourquoi? Pourquoi? Porque, bueno, por muchas cosas. Ben oui. Parce que, je sais pas, je trouvais que c'est ce qui fitait le mieux avec l'ambiance qu'on avait en ce moment sur cet album-là. C'est l'idée de la mort, de la pop comme culture, mais aussi comme populaire, genre, ça implique tout le monde. T'sais, tout le monde est bienvenu dans ce club-là. On s'en sort pas, tu sais, dès que tu ressens de quoi, ben, inévitablement, t'es comme confronté à l'idée même de la mort. Fait que, tu sais, c'était comme... ça allait de soi, là. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif ou de taciturne, là. C'est à la limite d'accepter un peu la vie dans tout ce que ça implique, là. Hmm. Oh, c'est cool, ça. D'ailleurs, t'as parlé de bienvenue. Je sais que vous avez accueilli un nouveau membre au sein de votre groupe. Est-ce que ça a changé un peu la dynamique? Oui, ben oui, oui, absolument. Je t'avoue que quand Pierre-Luc, notre nouveau drummer, est arrivé dans le groupe, on n'avait pas cogité sur le qu'est-ce que ça allait avoir comme impact. Puis, tu sais, pour nous, c'était comme la continuité du band, avec un nouveau membre qui allait jouer du drum, avec un peu la même pensée primitive, minimale, puis presque brutale, de jouer du drum. Mais clairement, Pierre-Luc, il y a une autre façon de jouer le drum, puis de sentir le beat, puis le rythme. Fait que c'est sûr que ça donne comme... ça donne un ajout différent, une autre saveur, une autre couleur à l'ambiance du band, puis même aux compositions musicales. OK, OK. Ben, c'est une des choses donc qui a changé depuis le précédent album. C'est votre quatrième à La Mort Pop Club, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui a changé d'autre dans votre son? Comment est-ce que ça a évolué, Nous sommes loups? Ben, je te dirais que ce qui a évolué, en fait, c'est nous, en tant que musiciens, on a, à force de jouer de la musique, au début, quand on a commencé à jouer, on n'était pas vraiment musiciens, on était plus des artistes qui utilisent un instrument pour véhiculer quelque chose, tu sais. Là, à force de jouer, à force de faire des shows, de faire des enregistrements, on a comme fini par comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire jouer de la musique, puis avoir un instrument, puis essayer de construire, puis de donner des chansons aux gens. Fait que je pense que maintenant, ce qu'on a, c'est des compositions un petit peu plus fines, un petit peu plus serrées, puis à la limite, même plus des chansons que des genres de délire, de bruit, de son, de hook sonore, t'sais. Cool, ça. Je sais que vous êtes de plus en plus reconnu de façon internationale. Là, vous avez certaines de vos chansons ont été utilisées pour des jeux vidéo, Need for Speed, entre autres, Gran Turismo. Vous avez aussi, à vos débuts, fait une tournée. J'ai vu un nom qui m'accrochait, entre autres, avec And You Will Know Us by the Trail of Dead. Mais ma question est, vu que vous venez du Québec, est-ce que c'est un petit peu plus difficile de percer à l'extérieur des frontières du Canada, d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe et tout? Je te dirais que oui, c'est plus difficile. T'sais, c'est sûr, parce que comment dire, mettons la musique, puis comment qu'elle existe, l'industrie musicale, comment elle existe aux États-Unis, parce qu'ils sont beaucoup plus, parce qu'ils ont comme un autre système de consommation. Ils ont déjà toute leur espèce de mentalité établie au travers de la musique. Fait que pour nous, d'essayer de percer dans ce système-là, c'est toujours un peu plus difficile. Mais je trouve que malgré tout, aujourd'hui, plus que jamais, les groupes genre québécois, francophones qui chantent en anglais, puis qui vont aux États-Unis ou en Europe, ils ont une meilleure position, tu sais, entre autres à cause d'autres bandes auparavant qui ont réussi à percer, mais aussi, bon, l'Internet, puis comment que l'information est diffusée puis dissimulée au travers de la culture, tu sais. Mm-hmm. Vous avez des spectacles qui s'en viennent. Je sais qu'il y en a un. Le plus près d'ici, à Trois-Rivières, c'est celui de Joliette, qui est le 29 mars, qui s'en vient. Ça ressemble à quoi, le spectacle, pour l'album La Mort Pop Club? Je dirais que c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a toujours fait, mais peut-être encore un peu plus... Pas nécessairement le terme brutal, là, mais pas élevé non plus, mais c'est plus intense. Puis je pense que c'est plus intense parce que on est rendu plus pro, je dirais, sans prétention, là, ça sent un peu bas, mais on est mieux capable d'accoter nos tunes, fait que on est moins préoccupé à essayer de savoir si quand les changements, les bridges, les chorus, ça se fait plus automatiquement, fait que ça nous laisse plus de liberté à devenir un peu plus cinglé sur scène, je dirais. Là. Et pour cette tournée-là, vous êtes souvent avec le groupe Sons ou Sons, en fait, je ne suis pas certain de la prononciation. Ouais. Sons avec deux U, finalement. Oui, c'est ouais, ça, Sons. Sons, ouais. Oui, est-ce que c'est vous qui avez choisi de tourner avec Sons? Comment comment la tournée se déroule avec eux? Oui, ben c'est comme des amis. On fait comme... ils gravitent comme... C'est une petite scène à Montréal. Fait que les gens, en moins de deux, ils finissent par tous se connaître. Puis c'est comme un band qu'on a connu il y a très longtemps puis qu'on aimait beaucoup. Ça a donné qu'il était comme libre à ce moment-là, puis il y avait des possibilités d'échange avec des dates en Europe, que nous, on aille avec eux en Europe, puis que les autres soient avec nous ici au Québec. Puis ça fait juste parfaitement, parce que c'est des amis, puis c'est du monde qu'on adore la musique qu'ils font. Là, fait que ça a comme juste parfaitement donné que tu viennes avec nous. Cool. Puis de ce que j'ai cru voir passer, vous allez être sur le line-up de Shiga, c'est bien ça? Oui, c'est ça, moi aussi, je l'ai appris, là, genre, il y a deux jours. Là. est-ce que c'est votre première fois au festival? Mais ça a juste été confirmé, genre, là, moins d'une semaine. Là. OK. OK, c'est ça, puis ça va être votre première fois? Non, ça va être, en fait, je pense, si je me trompe pas, ça va être notre troisième fois, mais je pense qu'on a déjà joué une fois avec un autre groupe que j'ai, qui s'appelle Classe. Oui. Ça serait logiquement la troisième fois qu'on y retourne. Ben justement, est-ce que Classe, est-ce que ça continue? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, absolument, ça continue. C'est juste que pour l'instant, c'est un peu difficile de travailler là-dessus parce qu'on est tout le temps en tournée et on a tout le temps des shows. Mais juste avant de sortir l'album de We Are Wolves, on venait de composer une dizaine de tunes pour Classe. Fait qu'il faut juste trouver le temps d'aller enregistrer ça en studio puis de sortir ça. Puis si tout va bien, après notre petit stretch de tournée, on devrait commencer à travailler sur Classe un peu cet été. Cool, merveilleux. Cool. Puis moi, j'ai juste une dernière question pour toi, puis je vais revenir sur Ashiga, parce que je sais que récemment, vous avez passé par À l'affût à Saint-Tite, qui est quand même une très petite salle de spectacle, bien accueillante et petite. C'est quoi la différence entre tomber justement devant peut-être 50, 60 personnes à Saint-Tite, puis finalement là, à Ashiga, où ça doit être dans les quatre chiffres là, facilement, le nombre de gens qui sont devant toi? C'est deux mondes à part, là. C'est le jour et la nuit, là, dans le sens que musicalement, tu vis quand même ton expérience, parce que c'est la musique qui fait avancer toute cette machine-là, mais c'est comme, mettons, à Saint-Tite, là, t'es dans le public. Là. Puis quand je dis dans le public, c'est que la scène est grosse comme une toilette. Là, fait que tu te retrouves à jouer avec le band. T'sais. Le band, là, ça devient les gens qui sont là, puis qui filent de quoi. Je me suis retrouvé à faire genre deux tunes dans la salle à chanter avec du monde là, qui criait les paroles. Wow. Fait que c'est un autre degré d'intensité, mais en même temps, Shaga, ça amène une toute autre lecture de tout ça parce que tu regardes comme une espèce de foule de malades. Là, c'est deux intensités différentes, mais quand même très appréciées. Là. Ça doit. Tu parlais de toilette tantôt, ça m'amène à Twilight. Est-ce que vous avez des plus grandes foules depuis que Twilight, c'est bien en mode, les loups et les vampires? Hein? Ah, je pense pas. Je pense que les gens sont plus vieux. Je pense que les gens qui aiment notre musique sont plus vieux que ceux qui aiment Twilight. Bon. Tu vois, j'aime ça une réponse sérieuse à une question qui n'a aucun sens. Oui. Ah, je trouvais que c'était très sensé, moi, à la date. À la limite, c'est une des questions les plus sensées que tu as posées. Wow! Je vais prendre ça comme un coup. Ah, fuck! Non, mais moi, j'adore Twilight. Fait que ça serait vraiment mon affaire d'avoir des fans de Twilight à nos shows. Là, pour avoir des grosses discussions sur la complexité de ce cinéma-là. Wow! Merci beaucoup à toi et on souhaite vraiment un excellent futur. Ben, je pense que c'est déjà commencé et c'est déjà assez élevé comme cote de popularité chez We Are Wolves. On vous adore, on aime tout ce que vous faites et aussi Classe, donc félicitations là-dessus. On te laisse partir, mais avant ça, on aimerait que tu choisisses une pièce de l'album La Mort Pop Club. N'importe quelle pièce, évidemment, pas limite de temps, pas limite de thème, pas limite de comment je peux parler vite quand je demande cette question-là. OK, je peux choisir n'importe quelle? N'importe quelle. Snake in the Sand. Ah ben c'est parfait ça, on écoute ça. Snake in the Sand, tout de suite de We Are Wolves. Et on te laisse partir. Merci beaucoup. Retourne à ta météo neigeuse, enneigée. Ouais, merci. Alors on se revoit à la prochaine tempête. Ok, oui. Et après la pause, le bulletin sportif. Non, c'est pas vrai. Merci, bye. Alright, salut. To the right. C'était Snake in the Sand sur l'album La Mort Pop Club de We Are Wolves. Nous sommes loups. Est-ce que tu l'as trouvé gentil, Mathieu? Ben tellement, il est super fin. Et les conditions étaient difficiles pour lui. Il était dehors, à la neige. Et Oui, sincèrement, il était quand on l'a appelé juste avant d'entrer en onde, il était un peu sur la panique parce qu'il disait faut vraiment que je sois dehors. Puis là, il pensait pas, il savait pas si on l'entendait comme il fallait ou pas, si on entendait les bruits ambiants et tout. Et de ce qu'on a compris, il était en plus, il y avait une petite extinction de voix. Oui. Donc il a eu l'air d'avoir forcé sa voix pour pouvoir nous donner une entrevue digne de ce nom. Il y avait un loup dans la gorge, comme on dit dans le domaine. Dans le jargon, oui, exact. On dit pas ça, pense. Non, on dit jamais ça. Donc on remercie, c'est Alexander Ortiz. Exactement, qui chante dans le groupe et qui fait de la basse. De la guitare. C'est merveilleux, ça. Et on rappelle le spectacle le plus près d'ici, en tout cas, c'est à Joliette, le 29 mars. Donc, si ça vous intéresse de passer par là, c'est toujours vraiment bon en show We Are Wolves. Tout à fait. Et si vous avez une machine à voyager dans le temps, il était à Saint-Tite avec Sons il y a deux semaines. Donc, il paraît que c'est. J'ai eu des commentaires du spectacle, il paraît que c'est vraiment un excellent spectacle. Tant pour l'un groupe que l'autre. L'un groupe que l'autre. Tant pour l'un que pour l'outre. Que pour l'outre. C'était plus l'outre, en tout cas. L'outre, oui, l'outre. Loup. Nous sommes l'outre, ça pas pire? Nous sommes l'outre. Un groupe hommage, mettons. Ben oui, c'est quoi? C'est We Are quoi? Looters. Otters. Otters. We Are Otters. Moi, c'était une blague en passant pour ceux qui pensent que je pensais vraiment que c'était Looters. C'est une blague. Okay. Ouais. Ah, des fois, l'humour, hein? Ça passe pas tout le temps. On est rendu au position numéro 5 du côté anglophone. Ce sera The Damn Truth avec Cal Awkward. C'est l'ancien numéro 1 de ce côté-là, malheureusement. Et du côté francophone, c'est Beatle ou T-Bird de Mauve. Oui. Beatle ou T-Bird. G-Bird. Le point G, c'est avec des ailes. Ben oui. C'est quand elle se met une serviette avec des ailes. Pardon? Excusez-moi. Hein? Blague de serviette sanitaire. Elles sont toujours drôles. Merci. Bon, ben, je vais me faire un petit plaisir de te reprendre. On dit serviette hygiénique, sanitaire, c'est un anglicisme. Oh, ben, gagne-moi ça, la fancy. Tu dis ça, mais c'est parce que t'empoignes pas, tampon. Ma blague, t'empoignes pas. Tampon. Non? OK. Non? Ben, je sais pas, on dirait que je suis pas particulièrement fan de jokes de tampons. Non? Je sais pas pourquoi, on dirait que ça vient pas me chercher. Non? Non? Attends un peu. Attends, je cherche voir si je napkin. Non, quand même, napkin. Quelque chose de napkin. Napkin. C'est bon, je vais faire le gag. Ouais, c'est peut-être inventer votre propre gag, c'est nouveau, assez fou. C'est les palmarès dont vous êtes le héros. C'est ça. C'est un peu comme le matin. On vous donne les gags en pièces détachées puis les montez comme vous voulez. Et voilà. On vous fournit la petite clé en L. D'IKEA. En L étant un magazine féminin. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça qu'on parlait. Ouais. L. Moi, j'irai en musique, personnellement. D'accord. Madame a des goûts assez sélectifs. Donc, on disait de Damn Truth tantôt en anglophone, mais pour l'instant, c'était Mauve. Oui, Mauve. Beatle ou T-Bird. Oh. Non, excuse-moi. Avant tout ça, monde le fond. Avant ça, on était rendu à la position numéro 10 anglophone, 6 anglophone qu'on avait sauté avant l'entrevue avec We Are Wolves. Maintenant que je m'en rappelle, tu te rappelles? Oui, je m'en rappelais. Ah oui, il y a un garçon qui n'attend que d'être joué. Il attend son numéro et on appelle le petit numéro de Boy. Little Numbers. Hein? Oui. Napkin. Serviette hygiénique. C'est là hygiénique. C'est pas très beau comme mot hygiénique. Hein, c'est... c'est fou comme à la radio. numéro 5. Madame Truth et Kyle Awkward, c'est l'ancien numéro 1 du côté anglophone et maintenant en cinquième place. Et du côté francophone, c'était Mauve avec Beetle ou T-Bird. Mm-hmm. Tout à l'heure, en quatrième place, on aura Grouméné et Elephant Stone. Mais avant ça, Simon Fitzbé, notre fidèle chroniqueur à Assemblage Requis, fait maintenant une petite apparition spéciale dans les palmarès des fous. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ah, ça va très bien, merci. Tu veux le voir parce que c'est South by Southwest en ce moment. C'est, oui, c'est toujours South by Southwest qui se continue, qui se perpétue, qui a l'air fort intéressant et qui me fait un peu suer de ne pas être là. T'es jaloux, non? T'es jaloux des Américains? Oui, ben, je suis jaloux aussi de certains blocs québécois qui sont là. Est-ce qu'on dit berbère ou barbare, là, ben, BRBR? Hein? Sur leur Twitter, c'est écrit BRBR, en parenthèse, c'est barbare. C'est marqué bon, la définition. Barbare, c'est barbare. Ouais. Ouais. Qui sont là, d'ailleurs, je pensais pas qu'ils. Mais là, ils sont en train de mettre des vidéos des trucs comme il y ça. Il y en a qui ont des blogs. Ouais. Ben, ils ont eu une accréditation. Moi, tu sais, c'est pas si pire. Si t'as un char qui marche ou si t'as de l'argent pour te payer les billets d'autobus, ouais. Tu peux te rendre. Faut vouloir. Ouais. Faut avoir l'accréditation idéalement aussi pour être là. C'est ce qui serait le plus intéressant. Mais bref, oui, c'est toujours South by Southwest et je suis à distance via plein de trucs, l'application qui existe. Donc, bien sûr, qui est Planète South Québec. By South. Planète Québec aussi, qui suit les artistes québécois. Sur Twitter aussi, on peut... Twitter, oui, on peut suivre des chroniqueurs. Également sur Instagram. Instagram. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des gars des NPR qui ont chacun leur truc Instagram. Et à chaque fois qu'ils vont voir un show, en fait, prennent des photos des artistes donc qui ont aimé des trucs comme plein d'artistes dans le fond qui sont là. Bon exemple. C'est parce que par exemple j'ai ceux que je vais vous parler aujourd'hui, donc Thorez, Dena, des affaires de même, des artistes bien ben intéressants. Ben, moi je trouve que c'est la meilleure formule un peu qu'on a ici à C'est fou avec toi, grâce à toi, parce que sinon je pense qu'il y a personne qui en parlerait malheureusement. Mais c'est d'avoir quelqu'un qui vient écouter des trucs que les autres font pour ramasser un genre de best-of, si on veut. Ou en tout cas, best-of selon ton propre avis. Ouais. Mais je trouve ça bien. Envoyer quelqu'un là-bas, c'est compliqué. Puis il y a tellement de choses à voir. Puis c'est des showcases. C'est vraiment des spectacles. Les groupes vont performer peut-être 3 ou 4 fois. Oui, exactement. Et des fois, c'est aussi les maisons de disques qui montent leur propre show. Ou des blogs aussi, même, qui montent leur propre show avec certains artistes qui vont aller faire 2-3 tunes qui vont partir. Donc c'est un peu difficile d'avoir vraiment une vie d'ensemble également. Faut être chanceux pour tomber sur le bon stock, parce qu'il y a quoi, 1400 artistes? Oui, à peu près 1400 artistes, tous styles confondus. Et bien souvent, comme moi, la liste que j'ai eue, c'est celle de NPR, qui est d'ailleurs disponible en téléchargement sur leur site. C'est 100 artistes, selon eux, qui valent la peine d'être watchés. Tout le monde sont en train de faire leur liste également d'artistes. J'en ai vu sur un blog fort intéressant que j'ai découvert qui s'appelle The Wild Honey Pie. Donc, c'est au www.thewildhoneypie.com, tout simplement. Ils ont une liste des artistes à surveiller à South by Southwest cette année. Wildcat, entre autres, Windowspeak, Churches, que je vais vous parler dans quelques instants, d'ailleurs, que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Michael Pascalev, des trucs comme ça. Il y a également Foxygen qui se retrouve là-dessus. Un gars aussi intéressant, Shaky Grave, que j'ai découvert. Je ne serai pas écouté aujourd'hui parce que... ça sonne comme, Bernard Lemus avec Podcast, ça parle même que vous aimez pas. Ben, nous, on aime pas fou. Ça, mais les certains moi, j'adore, auditeurs, c'est fou, que... aiment ça. Tu dis nous, moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça, parfait. Fanny Blue aime ça, hein, elle a fait une tune avec Podcast oui. Hier. Ouais. Tout à fait, sur l'album de Saran Rap aussi. Quoi, j'aime pas non plus. Non, ça, c'est Chantal Archambault. C'est ça, je mélange mes artistes, mais moi. Il y a même du monde qui... c'est des chassés croisés incroyables. D'artistes et de... Vraiment. Ouais, donc je pourrais vous parler en fait du premier ensemble qui est Churches, tout simplement. On va commencer avec eux autres. Churches, c'est une formation électronique, un trio écossais qui ont lancé seulement un simple en 2012, mais qui sont franchement très, très intéressants. Ils sont à South by Southwest cette année. En fait, ils ont joué hier, ils jouent aujourd'hui à différents endroits, là, au Fader Fort, au Whitley Hype Hotel, au Stubbs demain. Donc, si vous avez le temps de vous rendre, là, au party. Partez maintenant. Oui, c'est ça. Les jours au party du magazine Spin et au party de Laneway, j'imagine qu'il y a peut-être un autre magazine ou un blog, en tout cas. Probablement que ça va être justement un showcase de 2 ou 3 pièces. Ouais. On peut entendre directement leur pièce Recover, qui je pense que c'est un de leurs seuls simples, justement, qui est paru. C'est leur premier EP. Donc, ça vaut la peine d'être découvert. Churches. Donc, il s'agissait de la pièce Recover de l'artiste, en fait, le trio écossais Churches, qui s'écrit avec un V, si jamais vous cherchez ça. C'est C-H-V-A-R-C-H. Faut être original dans la vie, hein? Oui, exactement. Ben, de nos jours, on n'a comme pas le choix. C'est une pièce qui sonne un peu plus pop, là. C'est pas nécessairement ce qu'on va entendre des palmarès de C'est fou, ça, j'en suis conscient. C'est un peu moins underground, mais dans le son, mais en tant que tel, c'est pas connu, non? Non, c'est ça, exactement. Ils ont pratiquement rien fait jusqu'à maintenant. Et, veux pas, quand tu te retrouves à South by Southwest, quand t'es pas nécessairement un des gros artistes là, qui font les shows de fin de soirée dans les gros stades, ben c'est quand même underground. Tu Est-ce vas que je vais te demander les gros noms qu'il y a? Il y a John Fogerty qui va être là, qui va closer South by Southwest. Je sais que Justin Timberlake était là aussi, parce que là, il sort un album. Ouais, tout, non, mais... c'est de la pop, mais en tant que tel, je veux dire, c'est pas mauvais. Non, c'est ça. C'est pas tant de la chenoute que ça, mais c'est juste le problème, c'est que bien souvent, on accroche juste sur une toune pendant des semaines et les radios. Cry Me River. Ah ouais. C'est un peu plat. Puis lui, il vit là-dessus parce qu'il fait des albums aux 5 ans. C'est un peu ridicule. Il y a quoi? Il y a comme 25 ans, genre? 30 ans. Mais tu sais, c'est qu'il aurait pu faire bien plus d'affaires. C'est ça. Bref, il y a aussi Youth Lagoon, si on peut considérer ça comme un gros nom, qui est là cette année. Vous avez présenté ça la semaine passée. Très bon. Vous aviez bien aimé. Oui. Qui c'est d'autre qui est là? Faudrait que je vérifie là, rapidement. Quand on aura la prochaine pièce, je vous ferai la recherche des artistes qui valent la peine d'être vus, les artistes connus, en fait, qui vont être là. Et je continuerai cette fois-ci avec un artiste que j'ai découvert par hasard sur SoundCloud il y a 2 semaines et c'est notre ancienne collègue Sophie Laforêt qui m'a fait vraiment accrocher. Qu'on s'ennuie d'elle. Là-dessus, ouais, ben... sans cesse. C'est un grand talent qui est sorti de ses fous, malheureusement. Donc, c'est son coup de cœur musical de ces temps-ci. C'est Taurus, en fait, qui est une chanteuse, auteur, compositeur, interprète, leader de son groupe qui a 22 ans seulement. Wow! Franchement intéressant. Elle a lancé son album le 22 janvier, je fais quand même déjà un petit bout. Ça a été lancé digital. C'est disponible sur Bandcamp. C'est franchement très, très intéressant à découvrir. Donc, c'est un style un peu plus indie rock, indie pop. C'est moins nécessairement électronique comme les autres trucs que je vous ai emmenés aujourd'hui, mais j'aime vraiment beaucoup sa voix et ses mélodies sont vraiment géniales. Donc, on peut y aller directement avec Taurus sur les ondes du 89.1 FM. C'est fou. C'est la pièce Honey. Honey. Honey, my baby, and my darling. Sugar pie, honey. Il y aura pas ça à la Southwest. Sugar pie, honey, man. Non, ça, c'est un peu plus. Inside my some other time, then I'll come back again. Maybe some other time, then s'agit donc de... Oh, excuse-moi. Je m'en veux. On sait pas. Là, je pense qu'on peut. Oui. Oui, voilà. Donc, Torres, qui à South by Southwest aussi cette année. Et elle vient de lancer son album, son tout premier album. Franchement intéressant. Vous pouvez aller sur son Bandcamp. C'est Torres, trois fois. Parce que tout le monde le fait deux fois. C'est Mother, Peter. Elle s'est dit trois fois dans Gaillard. Ouais, ben c'est pour aussi éviter probablement la confusion avec genre les Mexicains ou quelque chose comme ça. Oui. Le gars s'appelle Torres. Les Toreador. Ouais. Alejandro, comme vous disiez tantôt. Donc, et ça, c'est... j'avais écouté une pièce et c'est une découverte, en fait, de, par contre, notre ex-collègue, Sophie Laforêt, qui est maintenant rendue une radio canadienne. Oui, s'en est bien tiré. J'irais pas parler par-dessus la fin de la pièce à Radio-Canada. Mm-hmm. Hein? Ouf! Attention! Rigueur! Non, mais... Éthique du journalistique! Ok, continue. Non, mais franchement intéressant. Donc, à découvrir son album, donc, comme je le disais, il est en vente sur Bandcamp. Et la dernière, en fait, que j'ai à vous parler, en fait, que j'ai pas à vous parler, j'ai choisi de vous parler. Ben oui, plutôt. C'est ça. C'était choix. Ça, c'était... C'est une fille un peu, ben, je dirais, ouais, weird un peu, qui fait entre la house puis le hip-hop. Franchement intéressant, si vous aimez M.I.A., je sais pas, est-ce que vous Oui, c'est qui tire des guns dans ses chansons. Ouais, qui tire des fait exactement genre d'un peu, justement, un style un peu mélangé entre le vieux house des années 90, le hip-hop, qui fait un peu de latitude aussi dans ses chansons. Oui, vraiment. Donc, elle s'appelle Dena. C'est une jeune femme d'origine bulgare, je pense qu'elle a 20 ans, mais elle habite en Allemagne depuis qu'elle est toute petite. Et elle chante en anglais, heureusement, c'est ce qui sauve un peu le tout. Et elle est à South by Southwest également pour toute la semaine. Elle a fait plusieurs concerts, on en fait d'ailleurs aujourd'hui, si vous êtes à Austin. Par hasard. Ouais, c'est ça. Vous allez voir au showcase de Kitsune, qui est sa maison de disque. Ça, c'est à 11h à soir. Donc, on a peut-être même le temps si on se prend un char. On y va. Puis on part tout de suite. Je pense pas qu'on va. J'ai 6$ sur la table juste là. Oh, moi, j'ai 5$ dans mes poches, okay. Donc on a un peu plus. On peut se rendre jusqu'à la colle. Steph, tu payes la petite liqueur, le petit café. Ben moi, j'avais espoir en le 10 cents qui traînait par terre. Mais... Quelqu'un l'a pris, hein? Quelqu'un l'a ramassé. Il y a quelqu'un qui a ramassé mon 10 cents. Après 2-3 semaines. Il fallait pas lui dire, c'est ça. La bille est disparue, vous savez, on avait une bille en dessous. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Quelqu'un qui a volé ma bille. Commence pas. Les jeux de mots de billes, ça pourrait se déchirer. De quoi tu parles? De rien. Il ferait pas ça à Radio-Canada non plus. Fait que, mais j'ai rien fait. Et donc, elle sera aussi en concert le vendredi, donc 15 mars, au Wunderbar. Donc, c'est encore genre de spécial band allemand, tout simplement. Et elle va être aussi au centre... ça s'appelle le Aerobic International Showcase. Okay. Donc, c'est au Karma Lounge. Donc, je dis ça, mais ils vont faire les jumping jacks tout le long en chantant. Ça va être aerobic. Mais le monde ne sera pas là. Tu sais, je dis, elle est en show à telle place, mais je connais une personne qui habite au Texas. OK. That's it. Tu sais, je pense pas qu'elle va aller voir ces shows-là. C'est George W. Bush. C'est quand même 100%. Non, c'est mon ancien coloc qui reste là. Oui, Steph, hein? Vas-y. Non, rien, je dis juste que c'était quand même 100% de plus que moi, donc c'est quand même un bon pourcentage. Une personne est 100% plus que toi, c'est bien dit. De personnes que je connais qui habitent là. Oui. Ah. Ouais. Ben, moi, c'est mon ancien coloc Audrey, on la salue. Donc, Salut Audrey, ouais. Je connais pas. Non, au moins, elle n'a pas commencé à tirer du gant encore, c'est intéressant. J'habite au Texas, ça pourrait. Mais elle porte déjà un perfecto. Oui. Le cuir, des perfecto au Texas. Mais je sais pas, il part du cuir, non? Je sais pas. Ouais, mais c'est pas les perfecto. Les non. Perfecto, c'est genre du cuir traité, eux autres plus brut. Ah, tu connais la ça. Peau de l'animal, c'est okay, ça. Ouais. Là. Non, mais tu sais, c'est plus cuir suède, non? Ce qui porte les cowboys et tout. Mon père est cowboy. Ah, oui? Ouais. Aïe, aïe! Une ancienne coloc texane, un père cowboy. Ah oui, écoute, tout le monde fait des trucs géniaux dans ma vie, sauf moi. Bon, moi, j'écoute de la musique, puis je parle de band. Fait que, donc, c'est ça. La dernière artiste à vous présenter, et je pense qu'on va prendre une chronique avec ça, tout simplement, qui s'appelle Dana. Elle n'est pas dans aucune liste, par exemple, des playlists à visiter, mais vous pouvez aller sur le site, et je cherche l'adresse rapidement pour revenir là-dessus avant qu'on s'en aille en musique. Mm-hmm. Pour être sûr, c'est un blog que je consulte fréquemment et qui n'est pas Stereogum. Est-ce que c'est Portal? Je ne sais pas. Tu as de la misère à le trouver maintenant que Google Reader va disparaître. Sinon... Ah, mais j'ai changé moi déjà pour Feedin. Feedin. On s'en reparle. Oui, fort intéressant. Bref, je trouverai le lien parce qu'elle a fait un bon mixtape de vieille music house des années 90, si jamais ça pourrait intéresser les gens. Bref, on peut y aller avec Dana et la pièce s'appelle Tin Rope. Elle vient lancer son vidéoclip et vous allez voir, elle fait de l'attitude dans le vidéoclip. C'est spécial. So many opinions, don't know what to say. When I'm moving forward, it's getting complicated. People pulling me back, wanting me to stay there. Wanting me to see things the way they see things. But I'm going my way, feel like an opinion. Okay. But there is no button that I press and then it's easy. I gotta go through the whole level, can't escape it. But there is no button that I press and then it's easy. I gotta go through the whole level, can't escape it. And now I'm walking on a thin rope, trying not to fall down. Don't stop, I ain't looking down. But then I'm back on the highway. Overtaking your lane, don't stop or don't look around, hey. And now I'm walking on a thin rope, trying not to fall down. Don't stop, I ain't looking down. But then I'm back on the highway, overtaking your lane. Dio. La pièce s'appelle Thin Rope et c'est Bena. Donc, artiste bulgare, allemande, qui fait de la weird pop, qu'on pourrait appeler. Musicalement, c'est pas mauvais, mais c'est son choix d'habillement. Visuellement, c'est un peu spécial. Ouais. Pour les fans des années 90, là, fin des années 80, début des années 90, vous allez vraiment triper parce qu'elle est habillée, qu'on dirait, juste avec du stock de sa mère. Là. C'est... Donc, c'est Dena, D-E-N-A, il faut l'écrire en lettres séparées. Ouais, ça se prononce Dena. Dena. Avec un E. Ça s'écrit même, je pense que c'est ça. En tout cas, tu t'écris sur Facebook. C'est ça. Et donc, c'est trois artistes que tu nous as présentés ce soir, aujourd'hui, qui sont à South by Southwest. Oui, exactement. Ils sont à South by Southwest. Il y a plein d'autres trucs intéressants, mais ils ne sont pas à South by Southwest. Fait qu'on en parlera une autre fois. Ben oui. Merci, Simon, d'être passé à l'émission. Ben, merci à vous de m'avoir reçu d'une façon spéciale. Tout à fait. C'est très, très spécial. On se retrouve lundi à 7h30 pour ta collègue Fitzbeat. Oui. Et on aura peut-être d'autres des restants à South by Southwest, quelque chose comme ça. Des albums aussi qui sortent. J'ai toujours pas parlé de David Bowie, donc. Vrai? Vrai. Alain, on parle demain. Oui. Attention. Au moment qu'on va en discuter. Donc, Simon Fitzbain, on te retrouve à Album Classique les vendredis matin à 10h. Yep. Les éphémérides du rock à Rock Classique à 11h, toujours le vendredi. Effectivement. Et encore une fois, lundi, 7h30 pour... Avec toi, j'allais dire avec vous, mais Stéphanie n'est pas levée à cette heure. Non. Ben non. Elle va être là l'autre lundi d'après, indice. Sous remplacement du... pour l'instant, nous, on termine la deuxième heure des Palmarès Ifo. On se retrouve tantôt avec une troisième et dernière heure. On va entrer dans le top, si je me rappelle bien, 4. Oui. Oui, on aura aussi les instants classiques d'assemblage requis. Simon est dedans, je le sais. Oh! Ouais. Cool. Tu fais le farfelu farfadet? Farfelu farfadet. C'est beau, ça. Moi, il y a plein de monde qui parle de lutin qui farfadet depuis deux jours. Pis... Ben voyons. Comment ça? Je sais pas, il y a quelqu'un qui me parlait de lutin qui nettoie l'App Store d'Apple pour avoir les meilleures applications seulement. Puis il y a d'autres fois, en tout cas, plein de monde qui me parle de lutin et de farfadet. Ben voyons. Après ça, ça va être la lectrice qui va parler avec son lutrin. Je sais pas, j'essaie de trouver d'autres mots. Ris pas de moi. T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour parler contre moi? La fille qui est tout le temps dans le coin du studio prête à parler. Puis qui dit pas grand chose pendant une demi-heure de suite, puis après ça, elle se réveille. Ouh, je suis là. OK. Hello. Restez là, on vient tantôt. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89. C'est la troisième et dernière heure des Palmarès Ifo pour la semaine du 11 au 17 mars 2013. Je vous présente Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Hello! Hey. Ça va toujours? Oui, ça va. Alors, on est rendu dans le top 4 de notre beau petit palmarès de cette semaine. Et du côté anglophone, on trouve Elephant Stone avec Setting Sun qui monte de la 17e place. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, on va entendre Saint-Prime de Gros Méné. C'est les palmarès, c'est fou! Ben trop magané. Oh, allez se coucher tout de suite. Ma tête m'aurait trop tourné. Je commence à avoir de la bite. Ouais, t'as les dents, mon curé. Ouais, y'a des kills à l'aider. Ouais, les vilains, mon avis lourd. Ouais, les rappels, on verrait de ça haut. Ouais, les rappels, on verrait de ça haut. Je vais vous dire sur les années. Mais quand on a décidé de le battre, on y en a fait gruger de l'asphalte.

c'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C'est F-O-U 89-1. De mon avenir, pour mieux saisir ton noyau et ses fruits, j'habillerai ton cœur. Oh, take a left and the sun's the shore. No! Fiddler, la position numéro 3 du côté anglophone, c'était No Waves qui monte de 6 places. Et du côté francophone, en 3e place, c'était Chainsaw de Tire le Coyote. Tout à l'heure, Aline et The Bicycles en 2e place. On va aussi savoir qui sont le numéro 1. Mais avant ça, maintenant, là. Là? Quand? Maintenant? Maintenant, c'est les instants classiques d'Assemblage requis. Ouhouhou, chanson thème que tout le monde va avoir dans la tête pendant la prochaine semaine. Ha ha, pour vous autres. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 11 mars 2013. Le nom d'origine pour le papillon. Butterfly, OK? Butterfly, papillon. Mm-hmm. Butterfly. La mouche à beurre, comme j'appelle. Butterfly, mouche à beurre. Donc, c'était Flutterby. F-L-U-T-T-E-R-B-Y. Flutterby, comme dans vol près de. C'est Flutter. Flutterby. C'est pas pire. J'aime mieux mouche à beurre. C'est peut-être la même affaire avec Best Buy. Best Buy. Avant, c'était. Burbay. Mais ça, on va magasiner chez Burbay. Burbay. Ou un magasin juste de beurre. De beurre. C'est Burbay. T'as deux rangées. T'as trois rangées. Le beurre normal, sans sel, puis salé. Dans quelques secondes, minutes, Simon Fitzbee, sa collègue Fitzbee. Wiki, wiki, wiki. On n'est pas capable de s'en empêcher, on aime ça. Assemblage requis, il est 7h47, évidemment. 7h47. Oh, le changement d'heure, t'es rentré dedans, toi aussi. Il n'est pas retenu à l'horloge, mais il est rentré dedans. Je me touche dans le parc. C'est juste ça que tu voulais que je dise. Oui, c'est ça, les trois accords. Je voulais pas dire. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Oh! Non, c'est pas vrai, ça m'est jamais arrivé. Tu partais là, je le matin, toi? Ça dépend des matins. Cool. Ce matin, j'ai décidé que oui. Oui, j'allais. Parce que hier, je voulais la prendre en fin de journée. C'est vraiment pas intéressant. Non, vraiment, j'en parle. Bordel. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est le bordel. Quoi? Je connais pas. Moi non plus. C'est une chanson de mon cru. Hey, t'es vraiment un bon parolier, toi. Oui, d'ailleurs, je sors mon 7e CD. Ah, OK. Oui. C'est à tour de CD. Oui. Ben, vous avez peut-être entendu parler. 13 mars prochain, c'est demain, mercredi. C'est une formule cabaret. Une petite nouveauté. Donc, on essaie d'adapter ça à l'artiste qui va être là. Donc, il va y avoir des jeunes personnes adaptées avec déficit oui, pour se rendre des cabarets comme à cafétéria. Oui, exactement. D'accord. Puis, ils vont crier. Puis, ça fait partie des choristes. Puis, ça va être très cool. Oui. Puis... formule cabaret, on la comprend. Ben oui, c'est ça. C'est Mathieu Plantré, là, dans la salle. Faites du bruit. Wouh! Je suis pas capable de m'applaudir moi-même, ce serait trop. Hein... OK, il y a des mouches partout. Ah! Oh! Ah! C'est le top des mots qu'on a oubliés que finalement c'est des abréviations. Ah! Est-ce que tu savais aussi que la marque Frigidaire est un remix entre frigide et le mot air? Ouh! Comme ça, tu frigides froid. Intéressant! Air. C'est vrai ça? Non. Pas en tout. Calé. Gâcher la chronique. Je pense que je l'ai gâché bien avant toi. J'ai une bosse dans le cou. Comment ça, une bosse dans le cou? Je sais pas, c'est atroce. Ça vient de t'arriver, tu t'es levé ce matin avec une bosse dans le cou, comme ben oui, Quasimodo. Ben oui, ça fait super mal. Je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai ce matin dans le cou? Ça doit être une tension. Puis là, je touche, puis c'est comme une grosse bosse. Ah, ça a l'air le fun, hein? Stéphanie Paradis, réaction? Est-ce qu'on peut voir ta bosse? Ben oui. Vire-toi de bord. Ben, je pourrais plus parler. Non, je sais, c'est pas grave. T'as rien à dire. Ah, wow! C'est rouge en plus. C'est comme un peu rose. Rosé. Saumon. Ouais. Corail. C'est corail, oui. Ça, j'ai vu un film où il piquait à cette place-là, puis ouais. Il implantait des sondes. Peut-être un GPS, un mouchard. Mais je vois maintenant comme la matrice. Une perruque avec une corne de licorne. Attaché après. Non, mais Jean-Philippe, tu peux pas me juger, t'as une bosse dans le cou. C'est vrai. Fait que tu vas pouvoir me la péter avec ta corne. Oh! Tu vas le virer, je vais partir avant. Alors, on sait pas, il y a peut-être plein d'arc-en-ciel qui vont sortir de là. Des bonbons, des oui, plein de bonbons. Oui. c'est Philippe Paradis. Il y a un dissène à terre. Allô? Wow! Mais pourquoi qu'il y a... Subtilement, je vais partir chercher le dissène. Attention à ta bosse. Oui. Quand tu parles demain. Running gag! Donc, ils ont sorti le tapis qui était à l'intérieur pour s'essuyer les pieds. Il est maintenant sur la boîte dehors, c'est chic. Ben, c'est mieux, je trouve, quand même. Ça fonctionne, oui, oui, oui. Mais c'est bizarre, le tapis est mou. C'est oui. Ça comme Aladdin. Moi, d'après moi, il y a des gens qui vont disparaître. C'est vraiment... Puis là, ils vont repopper à quelque part. Si tu gagnes à la loterie, Jean-Philippe, qu'est-ce que t'achèterais, mettons, si t'avais le choix? Là, là? Ouais, mettons. Un café pour tout le monde. C'est un peu cheap. Ben un café Baileys. Oh! Oh! Yeah! 100 de l'air. Oui. Comme ça, là. Ouais, ça. Juste la bouche qui ouvre et le son qui s'en part en même temps. T'es en train de dire que t'aimerais ça que je mette ma main dans... comme une marionnette. Zazie fait de la bicyclette à assemblage requis. Hein? Une chance qu'elle a ça, cette bicyclette-là, et de la musique derrière pour pouvoir mieux rouler. Mieux rouler. Comme on a appris, voilà. Puis enlever ses petits trous. Oh. Oh. Des blagues de roues. Pas fin. Oh. Dans quelques minutes. Bonne. Non. Le quinoa et tout ça. Si vous voulez vous acheter les plus petites poches de ces grains-là, vous allez pouvoir jouer au Aki. Noir! Est-ce que, mettons, t'en manges, est-ce que ça va des fois te faire des traces autour de la bouche? Est-ce que tu as besoin d'une napkin noire? Napkin, voire, napkin, quinoa, napkin. Ouais, je comprends, je suis pas sûr qu'il est bon. C'est pour ça que je dis ça. Ça peut pas se payer que ça, mais bon. La première était meilleure. OK. T'en avais des épées, ça, je peux te laisser. J'ai hâte, Sharpie et Jean. Toi, David Ferron, Sharky et Georges, tu connais ça? Ben oui, ça faisait partie de mon enfance de voir des bébites aquatiques se parler et faire des enquêtes, ça m'a marqué. C'était un requin et une petite bestiole qui, dans le fond, allait résoudre des crimes, finalement. Ben oui. Sharky et Georges. Nous autres, on a fait une blague, c'est Sharpie et Georges, Steph. Mais pour vrai, je connais pas ça. Ben t'es jeune. Hein? On dirait que je suis comme, juste comme un an trop jeune pour pas avoir connu ça. Ben toi, Canal Famille, ça te dit rien. Hein? Ben là, comment je suis pas si jeune que ça? Ben, c'est parce que ça jouait vraiment beaucoup. Là. C'est comme tu me dirais que tu connais pas Frépépouille. C'est parce que, tu sais. Ben non, mais pour... Ben, peut-être que je connais ça. Peut-être que si je les voyais, peut-être que je m'en souviendrais. Mais le nom comme ça me dit absolument rien. Ben, ouais. C'est quoi la princesse astronaute? Ça te dit rien? La rue Tabaga? Ben non, la rue Tabaga, princesse astronaute, c'est mon enfance. Frépépouille, c'est mon enfance. Mais sûrement que tu aimais les émissions avec des humains, non pas les dessins animés, peut-être. Peut-être. Peut-être que j'étais plus portée à ça. Ouais. Parce que c'était pas un vrai requin, là. C'était un requin des animés. Parce que genre, Maya l'abeille, là, j'haïssais ça. Pas une vraie abeille non plus. Ben, c'est ça. Montrez-moi du vrai, du concret. Voilà. Alors, vous venez d'entendre les meilleurs moments d'assemblage requis du lundi au jeudi de 7h à 9h avec, évidemment, entre autres, Stéphanie Paradis et David Ferron, mais aussi Jean-Philippe Charbonneau et moi, Mathieu Plante. Jean-Philippe, qui d'habitude est dans la chaise où serait où David est en train de toucher en dessous. Il y a des gommes sûrement sur la table. Touche pas trop à ça. David, ouais. Ben non, cher Jean-Philippe. Ah, ben je pense qu'il est parti chez eux, ça, là. Ah. Je sais pas, mais c'est de 7h à 9h que tu vas le retrouver. Ici même, assez fou, 89 ans, en fait. Ouais, parce que lui, il s'est donné beaucoup pour préparer le show de Fanny Blum, que t'as manqué, d'ailleurs. Oui, je l'ai manqué. Ben, en fait, mon dos l'a manqué. Ouais, mon dos le manque encore en ce moment, je te dirais. Non, même si t'aurais été en phase terminale, ce n'est pas un prétexte manquer Fanny Blum. OK, ben je le noterai. On m'engagera un petit diable, tu sais, pour me traîner. Comme ils font pour les frigidaires. Ouais. Puis on m'amènera de force jusqu'au deuxième étage où c'était parce qu'il y avait des marchands. C'est... Ben oui, puis on dira que c'est un cancer bénéfice pour toi. Un cancer bénéfice, excusez-moi. Pour encourager le cancer. Mais go non. Cancer, go! Non, c'était de mauvais coup, désolé. Oui, ça coûtait trop cher pour nous, c'était de mauvais coup. Je m'excuse de te faire ça, David, mais je trouve ça drôle de te corriger. Non, mais tu fais bien, parce que je sais pas pourquoi, quand je vois vous deux, ma langue perd ses moyens. Ah! C'est vidé à la poche de ses moyens, de l'argent dans sa poche. Oui, exactement. Il n'y a pas de langue dans sa poche. Le chat est sorti du sac. C'est ça. Oui, donc ma langue est sans ressources quand elle vous voit. Ouh! Et elle vous voit en plus. bonjour monsieur, vous allez bien? Mais surtout, elle nous voit quand elle vous voit. Elle nous voit. Ça, je ne la comprends pas, par exemple. Ben, louvoyer. Louvoyer. Louvoyer. Ah, comme les louveteaux? Le verbe. Michel Louvain. OK, on va enchaîner en musique. Donc, David, tu viens nous voir aujourd'hui dans une participation spéciale parce que pour ceux qui ne suivent pas trop ta carrière, c'est fou. dans le sens que ça roche. Joke de carrière. Ah! Carrière de roche. Okay. Ben oui. C'était, ouais. Toi, t'es bon pour faire des jokes de fond de falaise, hein? À peu près ça. Non. Oui, tu fais ta chronique, La langue dans ton oreille, la chronique sur la musique francophone, les mercredis à 8h aux 2 semaines. Tu viens d'en faire une cette semaine qui est en cours. Et là, tu fais une autre chronique la semaine entre les deux. Oui. Au palmarès, c'est fou, qui s'appelle Brancher le monde. Exactement. Sauf que là, on est dans la semaine entre les deux, fait que t'es pas supposé être là. Non, c'est mais ça? Ma langue s'ennuie de vous. Mais moi aussi, oui. En toute mon intégralité. Oui. Son corps nous aime. Oui. Ça tombe bien, on aime ton corps, David. Ouh, confidence ici. Ah, bon, check-a-pow. J'ai dit on. Ah, excuse-moi, ça m'inclut. Mais qu'est-ce que vous faites ce soir, les amis? Vous savez. C'est un peu Gustave, là, qui dit. Commence pas avec les personnages de David. Non, c'est bien correct. Non, donc, mais hier, on est allé manger une poutine et c'est bizarre, c'est Gustave qui est sorti de l'auto. Raconte. OK, on interrompt tout. On raconte. Non, il y a des chansons utilisées dans le palmarès. Non, mais vous n'avez pas le temps. Celle-là, je l'ai entendue précédemment. Elle est trop drôle. On la raconte juste après qu'on écoute la pièce de Yeah, Sacrilege. Ouais, qui est tellement excellente. C'est leur nouvel album? Oui, exactement, qui s'appelle Mosquito. Ouais. Donc, c'est un extrait, vous allez voir, c'est un mélange de rock avec du gospel. Moi, j'ai adoré ça. On s'en va entendre ça dans les quelques instants qui suivent. Yeah. Même pas de pub avant la vidéo sur YouTube. C'est rare que ça m'arrive. Fait que j'en parle tellement que c'est rare. Ben oui. Allez, Sacrilege tout de suite, 89 FM. Hey! c'était Sacrilege des Yeah Yeah Yeahs, tiré de leur album qui va bientôt paraître, Mosquito. Mais à la fin, là, la fille qui chante dans les aigus, c'est Karen O. Je sais pas, connais pas. Oh, ben Karen O, qui est la chanteuse du groupe. Ah, ok, ok, je savais pas que son nom était Karen O. C'est Karen O. Mm-hmm. Et je sais même pas si c'est elle, parce que si c'est ça, c'est une belle surprise d'entendre. Je pense que ce qu'on entendait à la toute fin, c'était pas une chorale, genre. Ouais, t'entends ouais. Quelqu'un crier vraiment dans les aigus. Ok, ok. Ah, ça se peut. Je sais pas. Mais c'est très bon, cette pièce-là. C'est la deuxième fois que je l'entends. J'ai hâte d'entendre le reste de l'album, parce que pour vrai, Yeah Yeahs, à chaque fois qu'on a eu un album 2 assez fou, ça a été sur le palmarès assez longtemps, plusieurs extraits. Donc, on attend ça avec fébrilité. Yeah! Hey! Bon, donc tu t'en sauveras pas. Avant la pièce. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Non, avant la pause, avant, en fait, pas avant la pause, avant la pièce, on parlait avec David Ferron et Stéphanie et David sont allés au spectacle hier des Soirées Cachées, c'est fou. Ben, en fait, mercredi, là, avec Fanny Bloom. Je n'y étais pas par problème de dos. Arrête de me traiter de loser. C'est ma faute. J'ai tellement regretté. J'ai pleuré toute la nuit. Ben. Et il y a une petite anecdote de la part de Stéphanie qui vaut la peine d'être racontée. Non, ah non, oui? c'est une perte de temps. D'ailleurs, les palmarès, il y a plusieurs chansons que tu dois présenter dans le palmarès. Faites-moi confiance, ça vaut la peine. Ah, ben non, ben là, c'est genre, en tout cas. Bref, après le spectacle, après 2-3 bières, soudainement, l'envie de poutine, je veux dire, apparaît. Évidemment. Je pense que c'est universel. Fait que bref, David et moi, et Raphaël, oui, je me souviens de ton nom, c'est le fun. C'est un dude, là, je suis un gars. Oui, il est super sympathique, c'est un gars en histoire. Cool. Donc, avec dude Raphaël. Bref, moi, je me rends là-bas avec Raphaël, et David vient nous rejoindre avec son auto. Mais quand il débarque l'auto, je sais pas pourquoi, j'étais comme, me semble que David a un drôle d'accent. Je fais, oh non, c'est Gustave. Gustave! J'ai dit, y'en est pas question. Moi, j'ai pas invité Gustave à manger une poutine. J'ai invité David. Je me suis retournée quelques secondes et David était en train de sortir du coffre de la voiture. Finalement, Gustave avait enfermé David dans le coffre de la voiture. C'était spectaculaire. Il faut rappeler aux gens que David Ferron a une gamme, une famille assez nombreuse à Assemblage Requis le matin. Gustave et son frère Siamois, mais plus maintenant Siamois, ils sont séparés à la naissance. En fait, c'est des anciens triplés Siamois. T'as évidemment Gustave, qui est un genre de Français qui a une moustache huileuse. Et Marie Melon, qui est évidemment des gros seins. Il y a beaucoup de poils sur les bras. On l'appelle Marie Melon de la pêche. Gustave, c'est Gustave de la fenêtre. Et donc, David, c'est ça, des fois tu le confonds avec ses frères et sœurs parce qu'ils ont un physique assez similaire. Hein? Bon. Mais en fait, hier, David m'a fait une confidence qui m'a un peu... ça m'a soulevé beaucoup de questions et il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi tout le monde pensait que Gustave et lui étaient siamois. Alors, Étaient siamois, ils sont plus siamois maintenant. C'est ça que les gens comprennent pas. Anciennement, siamois veut dire qu'ils sont nés cousus ensemble, Marie Melon, Gustave et David, et avec une barre de peau dans le milieu. Mais ils ont été séparés par un docteur qui essaie de les tuer. Bon. Mais il paraît que ça serait des rumeurs et que ça ne serait pas fondé. Mais je prends pas mes informations là, n'importe où, là, moi, là. J'exige des sources. Ben, c'est comme Barack Obama, t'auras peut-être jamais, ça va prendre peut-être du temps avant que t'aies son certificat de naissance, on va essayer de le sortir à un moment donné. Faut que je remonte à mon enfance, ben, là, c'est dur, là. Revive ton passé, David. Hey, là, regarde, je peux... Peux-tu vivre? Ouais, je veux dire... Mais c'est pas grave, de toute façon, David, sache que t'es notre préféré des oui, trois. Oui, facilement. Ben, merci. Marie Melon a des méchants beaux seins. Je le sais, mais pas rousse. Mais pas rousse, moi, tu sais, je trouve que c'est pas roux. Puis elle a pas l'air de Fanny Bloom non plus. Non, Fanny Bloom, hein? C'est dommage. Imagine, pour que j'aille pas voir ma belle Fanny Bloom d'amour, OK, fallait vraiment que j'aille mal au dos, hein? Parce que pour vrai, j'aurais jamais voulu rater ça. En plus que tous mes amis étaient là. Marie-Pierre était là, la Forge Bourrée. Justine Renaud était là. Ouais. Pas mal tout ce qu'il fallait, mais qui d'autre? Dany Janvier? Dany Janvier, oui. Mais et sa copine Manon. Moi? Stéphanie Paradis. Simon Fitzbé. Simon Fitzbé, tout à fait. Ensuite. David. David Ferron. Bon. Tout le monde était là. Tu sais, venez pas à des shows, tu sais, comme mettons au Linéa. Personne vient à ça. Personne vient au Linéa. Tu sais. Là, c'est moi qui pouvais pas y aller pour cause de déficience physique. Bon. De d'intestin. Ouais, mais faites comme moi, puis faites du crossfit, vous allez être en forme. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Peut-être que si tu bougeais, t'aurais pas de problème de dos. Mais... Oui. Hey, je suis pas de même que voulez-vous. Stéphanie. Merci, David, de passer. C'est Marie-Pierre qui a dit ça. Oh, et si Marie-Pierre l'a dit, j'y fais confiance, moi. Aïe, aïe. Parce que moi, aucune confiance en ce que je dis. Moyen. OK, on va appeler Maxime Bilodeau. Il va pouvoir nous confirmer. Oh! Chroniqueur en sport en tout genre. Culture sportive. Et ancien collègue de course. Ah, pour vrai, sans blague? Ben oui. Bon, ben, on s'emporte sur des sujets, là, mais non. Oui, ben, félicitations. Merci. Mais il était pas mal meilleur que moi, fait que c'est un excellent athlète, Maxime. Vraiment, oui. Oui, c'est vrai, c'est un des meilleurs coureurs du Québec. Donc, vous avez l'occasion de parler à un très bon coureur avec une belle expérience et beaucoup de conseils. Veux-tu plugger sa chronique avec ça? Mais jeudi oui, matin, en fait. 7h30. Ben, t'es meilleur que moi, je ne me rappelle jamais de son heure. Donc, soyez-y les jeudis, c'est la chronique d'une foulée à l'autre. Assez parlé, merci David pour vrai. Et puis, tu peux rester avec nous si tu veux, mais on doit retourner en musique parce que là, t'en files. Ouais, on s'en entend. Ben, c'est Stéphanie qui fait perdre du temps avec mes anecdotes familiales. Non, ça valait la peine. ça valait la peine. C'était donc, c'est ça, ils ont essayé de se battre, genre David. Et David était. On n'a même pas fini l'anecdote, je réalise. Mais oui, on non, est pas non, fini. Mais oui. Gustave a fini par libérer David du coffre de la voiture et j'ai pu manger une poutine en compagnie de David. Imaginez David Ferron et son. Sa verve, son personnage lui-même. Vous le comprenez, vous l'entendez, gars, il est en train de tripoter les mains à Stéphanie. Là. Imaginez-le. Faut être là, j'imagine. Numéro 2. Pour tout comprendre, il faut être là. Deuxième position anglophone, c'est The Bicycles avec Appalachian Mountain Station qui monte de 17 places. C'était nouveau la semaine passée. Wow! Et du côté francophone, on va entendre deux hirondelles d'Aline qui est stable et qui reste dans le haut du palmarès. On écoute ça et c'est grâce à David Ferron qui veut parler encore, je pense. Non? Oups, il peut parler, il fait aller les mains. Non, il n'y a rien qui sort. Oups, attention, plein de choses qui sortent. C'est pas de la voix. Numéro 1, numéro 2, du pipi? Des jokes de pipi? Non, fais pas ça, donc. Appalachian Mountain Station par The Bicycles. C'est l'ancien numéro 19. Sa montée de 17 places a franchi presque le palmarès dans son entièreté, toi. Ow! Ouch. Et... pas ouch parce que c'est comme si t'es à terre, tu te relèves. Ça fait pas ouch. Tu mettons descendre, quand tu tombes à terre, ça fait mal. OK, oui, ça c'est si elle avait été en première position c'est et qu'elle s'était retrouvée en dernière, là, ça aurait été ouch. Mais je pense qu'il y en a une dans le palmarès qui fait que ça fait ouch, justement, d'après ce que j'ai vu. Mmh. Bon, là, ça suffit. J'aimerais ça présenter la Franco. Oui, vas-y. On se tait. Donc, tout juste avant, en francophone, on a entendu deux hirondelles, Daline. Ouh! Bon, vous pouvez recommencer, là. Il y a seulement les numéros 1. David, est-ce que tu as quelque chose à recommencer? Est-ce que tu veux essayer de compter pour nous qu'est-ce qui a fait une chute? Ça va être long. Je pense que ça va être long. Non, au contraire, c'est The Sticks avec Mother qui était la semaine dernière 3e position, puis là, elle se retrouve en 19e. Ah, ben t'as bien raison, sauf que ça fait 7 semaines que c'est là. Ouais, c'est vrai. Faut, il va falloir changer de pièce à un moment donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Soudainement, c'est devenu... Paf! On a dû juste pas la jouer à Assemblage Requis cette semaine, puis d'un coup sec, ça descend. Hein? Oh. On a du pouvoir, nous autres. Ah, il nous reste seulement les numéros 1, et avoir du pouvoir, c'est bien beau. Mais ça vient avec des conséquences. Il faut absolument faire des jeux de mots poche des positions numéro 1. Parce que vous pouvez essayer de les deviner. Vous pouvez, mettons, David pourrait me demander « Ah ouais, dis-moi les numéros 1 avant que t'es fasses. Ah ouais, vas-y, je vais te donner de l'argent. » Ou tu sais, je vais te donner genre quelque chose comme ça. T'sais, faire de l'extorsion de jeux de mots poche. Mais ça ne marche pas avec moi parce que moi, je suis une... Pas « je suis » comme dans « je suis » le verbe « être ». Mais je la suis comme dans le verbe suivre. Okay. Je suis une ligne directrice qui mène vers les numéros 1 à la fin de l'émission. Au linéa. Mais en tout cas, moi, je trouve que tes jeux de mots, ça tourne en rond. Ça tourne un peu en rond, mais... Ça va pas en ligne directe. Regarde, laisse-moi vivre, là. Laisse-moi vivre avec moi dans le déni de mes jeux de mots. Tu partiras pas. C'est quoi? Genre, toi, tes jeux de mots sont tellement faciles, là. C'est comme tu les vois, genre, devant toi, comme si c'était une trappe à ours. Birds of Legend. Bon, moi, je tombe pas dedans. Merci. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, on va entendre du côté anglophone Let Me Be de Bears of Legend. Mais tout juste avant, on va entendre du côté francophone la nouvelle entrée de Olinéa. C'était la nouvelle entrée de la semaine dernière et qui est maintenant au sommet du palmarès. La plus belle extorsion qui est passée de la 20e place à la 1e place. C'est rare qu'on voit ça en tabernouche. Oh yeah. Eh ben, c'est utile de présenter des soirées cachées. Tu vois, c'est à cause de ça. C'est à cause de soirées cachées. On a du pouvoir, je l'ai dit. Power! Mais ça va nous monter à la tête à un moment donné, ça. Fait que je vais pas voir que ça explose, cette affaire-là. Paf! Oui, Nia. Au palmarès, c'est fou. et en première position. Would you let me tell my story? les positions numéro 1. On va faire un petit tour rapide des deux côtés. Top 3 en anglophone, c'était Fiddler avec No Waves. En deuxième, The Bicycles avec Appalachian Mountain Station. Et en première, on vient d'entendre Bears of Legend et Let Me Be. Et du côté francophone, en troisième position, c'était Chainsaw de Tire le Coyote. En deuxième, Deux Hirondelles d'Aline. Et en première place, Ta plus belle extorsion d'Olinéa. Et voilà! On va se retrouver la semaine prochaine, jeudi entre 15h et 18h. Après nous, à 19h ce soir, c'est 13e étage, bien sûr. On part les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est Skypunka. Et les lundis entre 14 et 17. Après nous, c'est En deux périodes avec Maxime Tanguay, qu'on remercie d'ailleurs pour sa participation aujourd'hui. Oui, merci Maxime. Merci aussi à We Are Wolves. Merci aux sœurs Boulay, Marie-Stéphanie et Marie-Mélanie. Oui. Merci à David Ferron. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir accueilli. Ça a l'air bien sérieux. Merci au pape François Ier. Merci. Go, Frankie Boy, go! Yeah. Merci à vous, les Rockets, d'avoir écouté. Merci à toi, Steph. Merci à toi, Mathieu. À la semaine prochaine et on se retrouve évidemment lundi à 7h à Assemblage Rocky. Passe une excellente fin de journée. Bye bye! Bye!